Section 47 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale. Les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 9, deuxième partie. Organisation du travail au Moyen-Âge, par Arthur Giry et André Reville. Association de commerce. Ce qui caractérise surtout le régime commercial et industriel du Moyen-Âge, c'est l'association. Artisans et marchands, groupés en communautés, étaient devenus des bourgeois et avaient conquis, avec la liberté, des franchises et des privilèges. L'association qui les avait affranchis contribua par la suite à leur prospérité. Mais à mesure que se développa l'activité productrice et commerciale, elle prit des formes nouvelles, appropriées aux circonstances et suggérées par l'intérêt. Les groupes se multiplièrent, le commerce se sépara davantage de l'industrie. Les associations devinrent rivales et cherchèrent à s'assurer des privilèges ou des monopoles. Dans le nord de la France, dans les Pays-Bas, sur les bords du Rhin, s'était formée dans chaque ville dès le début du XIIe siècle, et peut-être auparavant, une association des marchands qui s'assurèrent des privilèges, et bientôt, acquirent la surveillance et la juridiction non seulement du commerce, mais souvent aussi de l'industrie locale. Ce furent les guildes marchandes, désignées aussi dans certains pays sous le nom de hanses. Dans certaines villes, les associations de ce genre se confondirent avec la commune. Plus souvent, elles en demeurèrent distinctes, mais presque toujours, elles surent y occuper une situation prépondérante. Les marchands, ainsi associés, ne mettaient pas en commun leurs capitaux, mais ils se syndiquaient en quelque sorte pour empêcher la concurrence, se protéger mutuellement, se garantir contre les risques, s'assurer des débouchés et des privilèges. C'est ainsi que la guilde de Rouen possédait depuis le XIIe siècle le monopole du commerce normand avec l'Irlande, un comptoir à Londres, des franchises dans les foires anglaises, et le monopole du commerce de la Basse-Seine. La hanse parisienne se faisait, de son côté, attribuer le droit exclusif de la navigation du fleuve dans le domaine royal. La guilde d'Arras était affranchie des droits de péage que devaient payer à Bapaume toutes les marchandises se dirigeant sur la Flandre ou qui en provenaient. Société commerciale, les Lombards. Dans le midi de la France, et particulièrement en Italie, les associations de marchands prirent une forme différente, celle de la société commerciale. La société commerciale diffère des compagnies du Nord en ce que les associés y mettaient en commun leurs capitaux pour des entreprises communes dont ils partageaient les bénéfices. Ces entreprises à fonds communs, qui paraissent avoir été au Moyen-Âge très rares en matière industrielle, étaient déjà au XIIIe siècle l'âme du commerce. Ce fut en Italie que la société commerciale trouva sa véritable constitution, et c'est là probablement aussi qu'elle eut son origine. Aussi, les sociétés italiennes priment-elles toutes les autres sur les marchés de l'Europe occidentale. Florence, Pise, Luc, Sienne, Milan, Gênes, Venise, Rome ont chacune plusieurs de ces grandes maisons qui ne se contentent plus de visiter les foires. Elles sont représentées à demeure dans les grandes villes commerçantes, à Londres, à Paris, à Montpellier, à Bruges et à Lille. Rien qu'à Paris, on comptait en 1292 16 sociétés italiennes. Les Bardi, les Frescobaldi, les Peruzzi de Florence étaient intéressés dans toutes les transactions importantes du continent et de l'Angleterre. Au trafic proprement dit, au commerce de transport, les marchands italiens, tous confondus sous le nom de Lombards, joignaient les opérations de change et de banque. Ce fut en partie grâce à eux que le commerce de l'argent se régularisa et que le crédit s'établit au grand avantage du commerce et de l'industrie. Ce furent eux aussi qui, pour le besoin de leur commerce, semblent avoir imaginé au XIIIe siècle et qui, dans tous les cas, propagèrent l'usage de la lettre de change. Colonies, comptoirs et consuls. Les marchands qui opéraient pour leur compte ou pour le compte des sociétés dans les villes étrangères créèrent pour leur garantie mutuelle une autre forme d'association. Réunis entre gens de même langue ou originaires du même pays, ils possédèrent en commun des comptoirs, des entrepôts, des bazars. Chaque groupe fut placé sous la protection d'un personnage qui porta généralement le nom de capitaine dans les villes commerçantes de l'Occident, celui de consul de mer dans les ports de la Méditerranée. Il exerçait sur ses compatriotes un pouvoir disciplinaire et les assistait auprès de la justice compétente en cas de contestation ou d'altercation, soit avec les gens du lieu, soit avec les marchands d'un autre pays. Telle est l'origine des consulats. Les hanses. Au-dessus des compagnies et des sociétés se formèrent parfois des confédérations qui portèrent le nom de hanses. La plus connue des associations de ce genre fut la célèbre Ligue hanséatique, confédération à la fois commerciale et politique des villes de la Baltique qui se forment au XIIIe siècle et dont on sait les destinées brillantes. Mais il y eut beaucoup d'autres associations du même genre, dont les unes disparurent aussitôt après s'être montrées et dont les autres ont eu une durée de plusieurs siècles. De ce nombre furent notamment la Hanse des 17 villes et la Hanse de Londres. La Hanse dite des 17 villes en comptait en réalité une soixantaine à la fin du XIIIe siècle, mais la dénomination tirée du nombre primitif des villes associées avait survécu aux accroissements successifs. Cette association s'était formée au début du XIIIe siècle par l'accord des marchands des 17 grandes villes manufacturières de la Champagne, de la Flandre, de la Picardie et du Hainaut. Elle avait pour objet le commerce aux foires de Champagne. Il s'y affilia successivement les marchands qui apportaient aux foires les produits des manufactures brabançonnes, normandes et françaises. La Hanse de Londres paraît avoir été ouverte à tous les marchands de langue germanique, fréquentant les foires de l'Angleterre, mais on ne connaît bien que l'organisation de la branche flamande. C'était une association dont le chef-lieu était Bruges. L'échevinage de cette ville avait la garde de la caisse, et la direction de la compagnie ne pouvait appartenir qu'à un brugeois. Ce chef s'appelait Comte, et il avait sous lui, comme lieutenant, un bourgeois d'Ypres, dont le titre était l'écuyer, des Schildrags, et un conseil, dont les membres étaient fournis en nombre inégal par toutes les villes associées. Parmi les articles du pacte, il faut noter les suivants. Engagement de ne pas faire d'affaires avec le marchand qui a trompé un hansé. Interdiction d'entrer dans la hanse à tous ceux qui travaillent de leurs mains. Le règlement énumère spécialement les foulons, tisserands de toile, charpentiers, cordonniers, teinturiers qui ont les ongles bleus, chaudronniers, etc. Afin d'éviter les admissions subreptices, on exigeait du récipiendaire la production d'un certificat constatant qu'il n'était pas artisan ou qu'il avait abandonné son métier depuis plus d'un an et un jour, certificat qu'on obtenait de l'échevinage de sa commune, moyennant un marc d'or. La hanse s'achetait à Londres, à Winchester, ou dans l'un des grands ports commerciaux de l'Angleterre ou de l'Écosse. Il fallait pour cela la présence du Schildrag et d'un certain nombre d'arbitres. Sur le continent, les admissions n'avaient lieu qu'à Bruges. Le fils d'un hansé ne payait son entrée que 5 sols, 3 dés. Pour les autres, le prix était de 30 sous et 3 dés. Les villes de la Hanse nommées dans la Constitution sont Bruges, Ypres, Dixmude, Ardenbourg, Oudenburg, Damme, Tourout, Tournai, Lille, Orchy, Furnes, Dortbourg, Isendijk, Termuiden, Berg, Bayeul et Poppering. 4 villes de langue française étaient de l'association. Il est à noter qu'on n'y voit figurer ni Gand, ni Douai, dont l'importance commerciale était cependant considérable. peut-être en faut-il conclure qu'elle ne voulait point adhérer à un pacte qui tendait à monopoliser tout le commerce de l'Angleterre entre les mains de la haute bourgeoisie. Quoi qu'il en soit, ces villes et d'autres renouvelèrent à Northampton en 1261 un traité conclu 20 ans auparavant, dont l'objet était de former une ligue contre les fraudes du commerce. Organisation du travail industriel, origine des métiers. De même que les marchands en gros formaient de puissantes associations, de même, les industriels s'unissaient par des liens étroits et constituaient des sociétés fortement organisées, appelées corporations. La corporation, au Moyen-Âge, portait plutôt le nom de métier ou corps de métier, en allemand « Zunft ». Le métier était l'association de tous les artisans qui, dans une même ville, exerçaient la même profession. Ainsi, tout orfèvre domicilié à Paris faisait partie du corps de l'orfèvrerie, et nul ne pouvait vendre de vieux habits s'il n'appartenait au corps des fripiers. Tous les travailleurs, sans exception, étaient soumis à la discipline corporative. D'où provenait ce rouage social? Faute de documents précis, les érudits ont longuement disserté sur cette question des origines. Le plus expédient serait peut-être de se résigner à une ignorance que la pénurie des documents rend inévitable, et de se dire aussi que l'association au Moyen-Âge était une pratique universelle, qu'elle s'imposait en un temps où l'isolement était un danger, que toutes les professions se constituaient en corporations, même les arts libéraux, comme ceux des médecins, des membres de l'université, des ménestrels, même celles des mendiants et des ribauds, et que les travailleurs industriels, à mesure qu'ils se multiplièrent, s'engagèrent fatalement dans la même voie. On a réussi du moins à déterminer l'origine du terme de métier. Au temps de la décadence carolingienne, les villes appartenaient aux rois, à des prélats ou à des grands. Les artisans étaient les serfs ou les tenanciers du seigneur et travaillaient pour lui et pour ses gens. Ils étaient répartis en petits groupes, suivant le labeur auquel ils s'adonnaient, et chacun de ces groupes portait le nom de ministerium, qui signifiait service, et qui, en langue vulgaire, a donné métier. Peu à peu, les artisans s'affranchirent et le maître leur abandonna le bénéfice de leur travail en stipulant certains droits pécuniaires. Or, ils restèrent unis et l'on continua à désigner leur société sous le nom de métier, quand même ils ne fournissaient plus de services. Les métiers se constituèrent partout au XIe et au XIIe siècle. Les plus anciens statuts des corporations parisiennes, ceux des chandeliers, datent de 1061. Une charte de 1134 concernant les bouchers de la grande boucherie mentionne leurs antiques étaux, et une autre pièce datant de 1162 rappelle l'ancienneté des coutumes dont ils avaient joui depuis longtemps. En 1160, l'industrie du cuir était déjà organisée, car Louis VII concédait à une certaine personne et à ses héritiers la grande maîtrise des 5 corps de savetier, de baudroyer, de sueur, de mégissier, de boursier. Enfin, Philippe Auguste octroya ou confirma les privilèges de nombreuses corporations. Et vers l'an 1200, on peut considérer ces sociétés comme nettement constituées. Au cours du XIIIe siècle, elles continuèrent de se développer. Quand le prévôt de Paris, Étienne Boileau, les invita sous le règne de Saint-Louis à faire enregistrer leur statut, une centaine répondirent à l'appel, et quelques années plus tard, d'après le rôle de la taille de 1291, Paris comprenait 4159 gens de métier, répartis en plus de 350 professions. Partout ailleurs, dans le reste de la France, à l'étranger, le même régime se précisait à la même époque. Nulle part il ne devait être plus rigoureux, plus minutieusement réglementé qu'en Allemagne et en Flandre. Au contraire, dans les cités du Midi, plus commerçantes, plus ouvertes, il demeura plus souple, plus libéral. Il n'y fut même pas universellement appliqué. À Montpellier, à Limoges, c'est à peine si les corporations se réservaient un monopole, car elles ne limitaient pas le nombre de ceux qui voulaient y pénétrer, elles admettaient les étrangers, elles affectaient plutôt le caractère d'association religieuse ou de bienfaisance. Mais cette différence s'atténua chaque jour. Déjà, au XIVe siècle, elle était moins tranchée, puis elle s'effaça. Les artisans du Languedoc et du Limousin, trouvant commode de se mettre à l'abri de la concurrence, modelèrent leurs statuts sur ceux de Paris. Ils multiplièrent leurs règlements, élevèrent des barrières contre les gens du dehors. Après le Nord, l'esprit d'exclusion gagnait le Midi. Ce fut aussi une conséquence de l'unification territoriale et monarchique. Quant au nombre des métiers, il varia d'une ville à l'autre. À Paris, il y en avait plus de 100. En telle ou telle ville d'Allemagne, il n'y en avait que 18 ou 20. Tantôt, plusieurs arts mécaniques étaient réunis en un seul corps. Tantôt, un seul art se partageait entre plusieurs associations. Ainsi, les patenôtriers de Paris constituaient trois métiers distincts. Les uns fabriquant des patenôtres en os et en cornes, d'autres en ambre et en jais, les derniers en coquilles et en corail. Les cordonniers de Paris formaient trois sociétés différentes, celle des savetiers, des savetonniers, des cordonniers de Cordouan. Les chapeliers en formaient cinq, en sorte que le nombre des corps en une ville n'était pas le signe infaillible du développement industriel. L'apprentissage. Chacune de ces communautés était soumise à des statuts qui furent très brefs à l'origine, mais qui, chaque jour, devinrent plus précis. Dès son entrée dans le métier, l'artisan était tenu de faire son apprentissage. Rarement, les fils même des maîtres pouvaient s'en dispenser. Parmi les cuisiniers rôtisseurs, le fils de maître, qui ne savait pas son état, était autorisé à le faire exercer en son nom par un garçon instruit en son art, jusqu'au jour où, de l'avis des gardes, il serait capable de travailler lui-même. Et encore, cette exemption provisoire était exceptionnelle. Cette loi avait de graves conséquences. Tout maître au Moyen Âge avait été ouvrier et apprenti et connaissait la pratique de son métier. L'introduction d'un apprenti nouveau dans un atelier n'était pas un acte privé. Elle faisait l'objet d'un contrat solennel dont les termes étaient fixés par les statuts portant engagement réciproque des deux parties et leur imposant des obligations. Il était passé devant témoins, fréquemment devant deux maîtres ou devant les prud'hommes du corps. C'était d'ordinaire les parents qui remettaient l'enfant à son nouveau patron, mais quelquefois aussi c'était le prévôt ou la corporation elle-même s'il s'agissait d'un orphelin ou d'un être moralement abandonné. En France, l'entrée en apprentissage n'était soumise à aucune condition de naissance, mais en Allemagne, le candidat devait être d'origine légitime, attesté par son extrait de baptême. En revanche, le nombre des apprentis qu'un maître pouvait prendre à son service était étroitement restreint. Au temps d'Étienne Boileau, sur 78 métiers, il y en avait 49, où ce chiffre variait de 1 à 3, et 29 seulement où il n'était pas limité. Une exception cependant était faite en faveur des fils de maître, qui avaient toujours le droit de se faire instruire dans la profession de leur père. De plus, quand un apprenti était entré dans sa dernière année, le patron pouvait en prendre un autre afin de remplacer le premier sans délai. Cette règle et les infractions que l'on y faisait procédaient du même principe qui était l'intérêt de la communauté. Les statuts, à la vérité, affirmaient que ces restrictions étaient imposées pour le bonheur de l'apprenti. Sans doute, mais en même temps la corporation trouvait aussi son avantage dans ses règlements étroits. Elle avait horreur de la production à outrance, de la concurrence libre. En limitant le nombre des apprentis, elle limitait pour l'avenir le nombre des maîtres. Elle évitait d'admettre trop de nouveaux venus au partage des bénéfices. Pour une raison analogue, les fils de maîtres, que leur naissance plaçait au seuil de leur corporation, avaient le droit en tout temps d'y pénétrer. Le principe qui domine aujourd'hui notre conception sociale est que tout homme a le droit de choisir le genre de travail qui lui plaît, au risque de léser ceux qui le pratiquaient avant lui. Au contraire, le principe dont s'inspirait le régime économique du Moyen Âge était que tout métier appartenait à ceux qui l'exerçaient. Les statuts fixaient presque toujours la durée de l'apprentissage, et en général elle était longue. Elle variait d'ordinaire de 3 à 12 ans. Il fallait 10 ans à Paris pour devenir cristallier, 12 ans pour conquérir le droit de fabriquer des patenôtres en corail et en coquille. c'étaient là des règlements singulièrement rigoureux et qui s'expliquent par plusieurs causes. Au Moyen Âge, la division du travail était à ses débuts. Les orfèvres produisaient des objets les plus variés, d'or, d'argent, de cuivre, destinés à des parures, à l'ornementation des églises ou à celle des maisons. Mais surtout, ils transformaient à eux seuls la matière première. C'était eux qui fondaient le métal, le laminaient, faisaient l'alliage, le ciselaient, le gravaient, le couvraient d'émail. Enfin, comme tous les artisans au Moyen Âge, ils fabriquaient eux-mêmes leurs outils, leurs marteaux, leurs tenailles, leurs limes. C'était en réalité autant d'arts différents qu'il leur fallait acquérir. Cette raison n'était pas la seule. Elle n'expliquerait pas pourquoi il fallait 10 ans pour devenir tréfilier d'archal. Ce métier comptait parmi les plus simples, aussi bien que pour devenir orfèvre. Et pour cela, de longues années d'apprentissage n'étaient pas de trop. Ici encore, il faut faire une place à la cause profonde que nous retrouverons tout au long de cette étude. L'avantage de la corporation. Les maîtres avaient intérêt à prolonger ce stage d'instruction puisqu'ils leur assuraient les services gratuits de manœuvre qui, au bout de quelques années, devenaient expérimentés. De plus, grâce à ce système, les apprentis ne se succédaient pas trop fréquemment, le métier ne s'encombrait pas d'ouvriers. Apprenti et maître contractaient des obligations réciproques. L'apprenti était redevable à son patron d'une somme qui variait à Paris de 20 à 30 sous en vue des premiers temps durant lesquels il coûtait et ne rapportait rien. Il était tenu de rester à son poste le temps fixé, et s'il résiliait son contrat, fût-ce pour les motifs les plus respectables, par exemple pour cause de mauvaise santé, il devait une indemnité au patron en échange du dommage qu'il lui causait en le quittant. Il lui était lié d'une manière irrévocable, devait le respecter, ne pouvait déposer contre lui. C'est à peine si quelques métiers, comme celui des tisserands de Paris, autorisaient l'apprenti maltraité à porter plainte devant le maître de la corporation, qui adressait une réprimande au coupable et qui pouvait même, si le mal se perpétuait, lui reprendre l'enfant et l'engager ailleurs. S'il prenait la fuite, on le recherchait, on le ramenait de force. À la troisième évasion, il était exclu pour toujours du métier. Il appartenait si bien à son patron que celui-ci, renonçant à son industrie, pouvait le vendre à l'un de ses confrères, et l'on vit même des ouvriers imaginer l'étrange spéculation que voici. Ils s'établissaient pour leur compte, ouvraient boutique, prenaient un apprenti qu'ils revendaient aussitôt, et, ce bénéfice réalisé, ils fermaient leur atelier pour redevenir de simples valets. Si les maîtres possédaient sur leurs apprentis des droits presque sans limite, de leur côté, ils devaient être moraux et instruits en leur art. « Nul, disaient les statuts des batteurs d'archal, ne doit prendre apprenti, s'il n'est si sage et si riche qu'il le puisse apprendre et gouverner. » De plus, les maîtres devaient être installés, c'est dans leur propre atelier qu'ils devaient dresser leurs élèves, et l'on vit un contrat d'apprentissage résilié d'office par le prévôt, vu que la patronne n'était pas établie et allait travailler en ville. Ils devaient loger, nourrir, vêtir leurs aides, les tenir à leur pain et à leur peau. Si ceux-ci voulaient se marier et vivre à part, ils étaient tenus en certains métiers de leur donner 4 deniers par jour ouvrable. Et même, quand les gardes jurés de la communauté constataient l'expérience de l'apprenti, il lui délivrait un certificat de capacité. Le patron devait lui assurer soit un modeste salaire, soit une somme d'argent une fois payé. Dans la même pensée, la corporation de couvreurs fournissait gratuitement des outils à l'apprenti qui avait fini son temps. Cependant, les statuts étaient beaucoup moins explicites sur les obligations des maîtres que sur les devoirs des élèves. Un prévôt du Châtelet, au XIVe siècle, rappelait à un fabricant de huches qu'il pouvait battre lui-même son apprenti s'il le jugeait nécessaire, mais qu'il ne devait pas déléguer cette fonction à sa femme. Les statuts admettant le principe de la correction corporelle, il était fatal que cette correction dégénéra parfois en sévices criminels. Les documents, surtout au XIVe siècle, en révèlent de nombreux exemples. un orfèvre à Paris, blessa son apprenti à l'aide d'un trousseau de clés qui lui fit à la tête un trou et deux bosses. Une certaine Isabelle Béraude répéta dans sa dernière maladie qu'elle mourait par suite de mauvais traitements, que son maître l'avait battue et foulée aux pieds. L'ouvrier. C'est à peine si l'apprenti faisait partie du métier. En revanche, il y entrait pleinement dès qu'il avait achevé son instruction et qu'il devenait valet, c'est-à-dire ouvrier. Le nombre des ouvriers qu'un maître pouvait embaucher n'était pas limité. Les restrictions apportées à l'apprentissage suffisaient à prévenir l'encombrement. Si certains règlements défendaient aux patrons d'engager trop de salariés, c'était seulement afin d'empêcher les plus riches fabricants d'accaparer la production à leur profit exclusif. Les valets forains étaient admis dans les ateliers, mais à condition de présenter un brevet d'apprentissage, de montrer un congé d'acquis des maîtres qu'ils avaient quittés, et de se conformer aux us et coutumes du métier dans lequel ils entraient. Certains corps leur imposaient même des conditions supplémentaires. Les fermailleurs de Paris n'agréaient des ouvriers et des valets de province que s'ils avaient déjà 8 ou 9 ans d'exercice, et les oubliés ou pâtissiers n'en recevaient pas un seul qui ne sut faire en un jour un millier de petits gâteaux appelés niel. Enfin, presque tous les statuts repoussaient les travailleurs connus pour leur mauvaise vie. Dès le Moyen-Âge, les artisans aimaient à voyager. Au XIVe siècle déjà, les ordonnances en mentionnent beaucoup, allant de ville en ville, ouvrer pour apprendre, voir et savoir les uns des autres. Le mode de placement était simple, primitif. Point de bureau, point de locaux, la place publique. Sous peine de forfaiture, les valets se rendaient chaque matin au lieu ordinaire de leur réunion. C'était en général un carrefour. Et là, ils attendaient qu'on vînt les embaucher. Dans les professions où l'ouvrier était engagé à la semaine, comme celle du tissage à Saint-Denis, cette assemblée était non quotidienne, mais hebdomadaire. Ils ne pouvaient se louer qu'à des maîtres, et les statuts leur interdisaient d'offrir directement leurs services au public. Cet usage, qui groupait le même jour, à la même heure, sur la même place, tous les salariés d'un même métier, était favorable aux coalitions et aux grèves. Il leur était aisé de s'entendre et de se soutenir les uns les autres. Le fait se produisit parfois. C'est pour ce motif qu'au milieu du XIIIe siècle, les tisserands de Rouen furent exclus à jamais du lieu où ils avaient accoutumé de se réunir. En ladite plache, disait le bailli de Rouen en 1285, quand ils y assemblèrent pour eux allouer, ils firent compilation, taquéance, mauvaise montée et enchérissement à leurs volontés et leurs œuvres, et moult d'autres vilains faises, qu'ils étoient au dommage du commun, de draperie et de toute la ville de Rouen. Les statuts spécifiaient les devoirs de l'ouvrier. Il s'engageait à la journée, à la semaine ou à l'année. Jusqu'à la fin du terme fixé, il ne pouvait quitter son maître sous peine d'amende, et le patron qui l'embauchait dans ces conditions était puni de son côté. Il n'était autorisé à conclure un autre contrat qu'un mois avant l'expiration de son service. Le plus souvent, il vivait chez lui et à ses frais. Très rarement, il était nourri et logé par son maître, mais il n'était pas autorisé à travailler chez lui, car la besogne en chambre répugnait à l'esprit méfiant de cette législation industrielle. La journée de labeur était longue, elle durait du lever au coucher du soleil. C'est dire qu'elle variait selon les saisons, qu'elle était nominalement de 16 heures au maximum, de 8h30 au minimum. Encore fallait-il en retrancher le temps indispensable à l'alimentation. Mais sur ce point, certains métiers se faisaient des lois spéciales. Au XIVe siècle, les ouvriers foulons étaient à la peine de 6h du matin à 5h du soir en hiver, en été de 5h du matin à 7h du soir. Leur journée était ainsi soit de 11h, soit de 14. Quand même le labeur de nuit était généralement interdit, les ouvriers de certaines corporations prolongeaient leurs tâches après la chute du jour, et, pour la vesprée qui se prolongeait assez tard dans la soirée, il prenait un engagement spécial et se faisait payer à part. Mais le plus singulier système était celui des tondeurs de draps à Paris. D'octobre à février, il se mettait à l'œuvre à minuit. Au lever du jour, il prenait une demi-heure de repos. À 9 heures, ils avaient une heure de liberté pour déjeuner. De 1 à 2 heures de l'après-midi, il dînait, et il se remettait à la besogne jusqu'au soleil couchant. Cela faisait un total de plus de 13 heures et demie de travail effectif. Le reste de l'année, leur journée durait du soleil levant au crépuscule. Ce régime épuisant cessa plus tard d'être toléré. Malgré l'opposition des maîtres, la journée d'hiver pour le tondeur fut réduite à 9 heures et demie de travail effectif. Les ateliers s'ouvraient et se fermaient au signal donné par la cloche paroissiale ou par un crieur public. Dans les villes industrielles comme Amiens ou Tournai, il existait une cloche spéciale pour appeler les ouvriers à la besogne et pour leur annoncer la suspension et le terme du labeur quotidien. Enfin, les valets étaient tenus de mener une vie morale. Les corporations excluaient de leur compagnie les larrons, les meurtriers, les débauchés, les artisans vivant en concubinage. S'ils s'en trouvaient par hasard, leurs camarades étaient invités à les dénoncer, et nul ne consentait plus à les employer. En retour de ses nombreux devoirs, l'ouvrier possédait aussi quelques droits. Il était protégé contre la concurrence étrangère. En certains métiers, il était interdit d'embaucher un forain tant qu'un seul membre de la corporation restait inoccupé. De même, il était défendu aux maîtres de recourir dans l'exercice de leur industrie au service de leurs femmes ou de leurs voisins pour éviter de prendre des valets. Nul salarié ne pouvait être renvoyé sans raison valable et reconnu pour tel. En 1321, les ouvriers foulons portèrent plainte en justice contre leur patron qui engageait trop d'apprentis, qui faisait parer leurs draps par des étrangers, qui s'entraidaient pour étendre leur tissu sur des cordes. Ils obtinrent satisfaction sur tous les points. Et les maîtres renoncèrent pour l'avenir à ces usages. C'était là de précieuses garanties. Si l'ouvrier peinait rudement, du moins, une fois incorporé, on lui reconnaissait le droit au travail. Le patronat. Rien ne l'empêchait non plus de passer maître. Les abords de la maîtrise n'étaient pas encore entourés de barrières et aucune condition de naissance n'était requise du candidat. Seuls, les étaux de la grande boucherie à Paris étaient occupés de père en fils par les mêmes familles. Quant aux autres corporations, elles n'étaient pas encore le patrimoine de castes héréditaires. Pour parvenir au patronat, il suffisait d'avoir achevé son apprentissage et en certaines corporations, d'avoir fait un stage d'un an en qualité de valet. Cependant, au cours du XIIIe siècle, l'usage s'établit d'exiger de l'aspirant maître des marques de savoir, de le soumettre à un examen ou à l'épreuve du chef-d'œuvre, quelquefois à l'un et à l'autre. L'examen et le chef-d'œuvre ne faisaient pas double emploi. Le premier portait sur l'ensemble de la profession et montrait si le candidat en possédait la théorie. Par le second, il donnait la mesure de ses connaissances pratiques. L'examen se passait devant les gardes jurés, qui, en cas de réussite, délivraient un certificat. L'épreuve du chef-d'œuvre, qui était assez fréquente dès l'époque d'Étienne Boileau, ne devint générale que dans la seconde moitié du XIVe siècle. Ce travail ne présentait pas encore les complications qu'il affecta plus tard. C'était un ouvrage d'un prix moyen, d'une difficulté moyenne. Pour le cordier, il s'agissait de fabriquer une bonne corde. Pour le savetier, de raccommoder 3 souliers. Les selliers garnisseurs devaient faire une selle garnie ou un harnais de valeur minime. Tout cela se passait en présence des gardes et chez l'un d'eux, parfois aussi devant quelques notables du métier. Restaient enfin certaines obligations pécuniaires. En effet, le candidat devait parfois acheter le métier. On désignait ainsi le droit que les artisans à peine dégagés des liens du servage payaient à leur seigneur pour trafiquer en liberté. Si la plupart des corporations réussirent à s'en faire exempter, ou peut-être même n'y furent jamais soumises, néanmoins, sur les 100 communautés qui firent enregistrer leur statut par Étienne Boileau, il en était 20 où la maîtrise était vénale. Cette taxe d'ailleurs était fort légère. La fiscalité monarchique ne s'était pas encore développée. L'artisan maître ne déboursait pas seulement en l'honneur du roi ou du seigneur, il acquittait aussi des redevances envers la corporation. Il donnait aux gardes des gratifications, désignées quelquefois sous le nom de gant, au témoin de la vente une rétribution. Parfois, ces droits s'appelaient paste et abeuvrement, c'est-à-dire festin et repas léger. Et alors, ils se soldaient soit en argent, soit en nature. Telles étaient les principales obligations, en somme peu rigoureuses, que l'on imposait aux candidats à la maîtrise. En Allemagne, il est vrai, ils devaient se marier et justifier d'une certaine fortune. À Londres, pour s'établir boulanger, il fallait pouvoir engager dans ce commerce un capital mobilier de 40 shillings. En France, l'on n'exigeait rien de semblable. Quiconque, disait-on, veut estre de tel mestier, estre de puet, portant qu'il sache le mestier, et est de quoi. Le patronat était accessible à tous. Une fois admis, le nouveau maître était intronisé en séance solennelle. Le chef du métier lui lisait à haute voix, elle lui expliquait les statuts et les règlements de la société, et le récipiendaire jurait sur les reliques de les observer et d'exercer sa profession avec loyauté. Les meuniers du Grand Pont de Paris, exposés au péril de la débâcle et des crues, promettaient de plus de porter, en cas de danger, un prompt secours à leurs voisins. Quelquefois, cette cérémonie était enveloppée de curieuses formalités symboliques. Quand un boulanger parvenait à la maîtrise à Paris, il devait, durant les 4 premières années, acquitter une redevance envers le roi. Ce stage achevé, tous les membres de la corporation, patrons et ouvriers, célébraient l'émancipation définitive du nouveau talmellier. Il se rendait encore chez le chef de la compagnie, précédé du héros de la fête, portant un pot plein de noix et de gâteaux. « Maître, disait celui-ci, j'ai fait et accompli mes 4 années. » Et il lui présentait son fardeau. Le percepteur de la taxe royale était consulté. S'il confirmait la vérité de cette assertion, le dignitaire restituait le pot et le récipiendaire le brisait contre la muraille. Aussitôt, toute la société forçait la porte, envahissait la maison et buvait aux frais de son hôte. Fin de la section 47.